C'est donc elle, dit le baron, qui t'a parlé de la lumière sur la fenêtre. Mon bonhomme, reprit Crevel en se mettant en position, nous sommes floués. Valérie est une... Elle m'a dit de te tenir ici, j'y vois clair. Elle a son brésilien. Ah, je renonce à elle, car si vous lui teniez les mains, elle trouverait moyen de vous tromper avec les pieds. Tiens, c'est une infâme, une rouée. Elle est au-dessous des prostituées, dit le baron. Josépha, Jenny Cadine, étaient dans leurs droits en nous trompant. Elles font métier de leur charme, elles. Mais elle, qui fait la sainte, la prude, dit Crevel. Tiens, retourne à ta femme, car tu n'es pas bien dans tes affaires. On commence à causer de certaines lettres de change souscrites à un petit usurier dont la spécialité consiste à prêter aux lorettes un certain Vauvinet. Quant à moi, me voilà guérie des femmes comme il faut. D'ailleurs, à nos âges, quel besoin avons-nous de ces drôlesses qui, je suis franc, ne peuvent pas ne point nous tromper? Tu as des cheveux blancs, des fausses dents, baron. Moi, j'ai l'air de Silène. Je vais me mettre à amasser. L'argent ne trompe point. Si le trésor s'ouvre tous les 6 mois pour tout le monde, il vous coûte au moins des intérêts. Et cette femme en coûte. Avec toi, mon cher confrère, Gubetta, mon vieux complice, je pourrais accepter une situation choc-nosso, non philosophique. Mais un Brésilien qui, peut-être, apporte de son pays des denrées coloniales suspectes,